Merci d'écouter les petites histoires. Pour profiter pleinement du podcast, vous pouvez vous abonner. Vous n'aurez plus de publicité et accès à des histoires exclusives. L'abonnement est super simple, sécurisé et sans aucun engagement de durée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur telming.com ou cliquez sur le lien dans la description de l'épisode. Les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires de Telming. Coucou les enfants! Aujourd'hui, Karine et Arnaud vont vous raconter une nouvelle histoire de Zephira et Jim, le village des écureuils volants. Deux silhouettes avancent prudemment entre les troncs calcinés. Autour d'elles, il n'y a pas un bruit, pas un mouvement. Rien qui indique le moindre signe de vie. Les deux marcheurs s'arrêtent devant un arbre, le plus haut des environs, ce qui explique que son feuillage soit encore intact. Après l'avoir longuement inspecté, Zeph se tourne vers Jim. C'est l'arbre éole, celui qui nous permet d'atteindre le village des écureuils volants. Tu veux dire que tous tes semblables vivent juste dans cet arbre ? Non, c'est plus compliqué que ça. Viens, je vais te montrer. Arrivés en haut de l'arbre, Zeph et Jim contemplent le triste spectacle des troncs noircis par les flammes. Pourquoi tu l'as appelé l'arbre éole ? Parce qu'en s'élançant de son sommet, on peut atteindre un courant d'air très puissant qui nous permet de planer jusqu'à l'entrée de mon village. Ah, et comme ça, vous êtes les seuls à pouvoir y aller. Normalement, oui. Mais on a mis au point une procédure d'urgence au cas où l'un des nôtres ne peut plus voler ou si nous recevons des invités. Tu vois ce câble qui va de la dernière branche à cette falaise, tout là-bas ? Grâce à lui, des non-volants peuvent y accéder. Et c'est parfait. Pourquoi ? Parce que tu vas pouvoir me suivre. Sans attendre, Zeph saute de l'arbre éole en déployant ses ailes. Propulsée par le courant d'air, elle file à toute vitesse en direction de la paroi rocheuse qui s'élève au loin. Jim est persuadé qu'elle va s'écraser dessus. Zeph accélère encore, plaque les bras le long de son corps et pouf ! Elle disparaît dans un trou minuscule creusé à même la pierre. Avec une boule au ventre, Jim regarde le long câble suspendu entre l'arbre éole et la falaise. Il farfouille dans son énorme sac à dos et en sort une tige de cornue à bois. La plante la plus résistante qu'il connaisse. Il place la branche au-dessus du fil et pose ses mains de chaque côté. Sa tyrolienne de fortune est prête. Qu'est-ce que je ferais pas pour la suivre ? Le jeune écureuil ferme les yeux, souffle un grand coup et perd l'équilibre. Par chance, la poignée de son sac se prend dans la tige de cornue et Jim dévale le câble suspendu par les bretelles en poussant un cri à réveiller les marmottes. Jim franchit le trou et s'écrase contre un mur recouvert d'une mousse épaisse. Zeph le rejoint et l'aide à se décrocher. Encore une de tes inventions ? J'en ai construit des plus réussies. Jim se relève et découvre l'endroit où ils ont atterri. Il s'agit d'une caverne gigantesque, abritant des maisons et des échoppes. Une immense pierre incrustée dans le plafond éclaire faiblement les lieux. Cela aurait été magnifique si le tout n'avait pas été détruit. Saccagés et pillés. Les rues sont désertes. Les fenêtres brisées et les plateformes de bois, auparavant suspendues, pendent tristement au bout de leur cordage. Qu'est-ce qui s'est passé ? Aucune idée. Quand j'ai vu la forêt, je savais que quelque chose était arrivé à mon village, mais je ne pensais pas que ce serait si terrible. Allons voir. Nos deux écureuils s'enfoncent dans ce décor sinistre. Au détour d'une allée, Zeph attrape la main de Jim. Sous son pelage, le jeune écureuil rougit. Jim, quelqu'un nous suit. Reste près de moi et fais comme si de rien n'était. D'accord. Zeph, peux-tu m'expliquer ce que c'est que cette pierre accrochée au plafond ? Quel comédien. C'est notre pierre soleil. Elle est reliée à l'énergie de nos chamans. Normalement, elle brille bien plus que ça. À l'énergie de vos chats-quoi ? De nos chamans. Bon, je t'expliquerai. Zeph tourne subitement au coin d'une ruelle et pose son index sur le museau de Jim pour qu'il se taise. L'ombre qu'elle a repérée s'approche. Zeph a les pattes enfoncées dans le sol, prête à bondir. Jim retient son souffle. La silhouette arrive. Zeph passe à l'attaque. Zephira ? Maman ? Quoi ? Jim sort de sa cachette et découvre Zeph en train de regarder son portrait craché. Avec un pelage clairsemé de poils blancs, il est vrai, mais la ressemblance n'en est pas moins frappante. Après une seconde de stupéfaction, mère et fille se serrent dans les pattes. Mais Zephira, ça fait si longtemps que je ne t'avais pas reconnue. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Oh, c'est une longue histoire, maman. Mais je suis là, maintenant, et je te présente Jim. C'est lui qui m'a aidé à revenir ici. Enchantée, madame. Oh, tu peux m'appeler Zora, gamin. Il est mignon, en plus de ça. Maman, raconte-moi plutôt ce qui s'est passé. Où sont les autres? Viens, je vais t'expliquer. La mère de Zeph les guide à travers le dédale des rues et s'arrête devant l'une des parois de la grotte. D'une manière bien précise, elle frappe sur la roche. Toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc. Jim, qui s'attendait à voir le mur s'ouvrir, sursaute en sentant le sol se dérober sous ses pattes. Une série de marches plongeant sous terre apparaît. Les trois écureuils descendent et arrivent dans une vaste pièce éclairée par des torches. À l'intérieur, des lits de fortune sont dressés et des écureuils en blouse blanche s'occupent des blessés. Oh, nom d'une petite noisette! Comme tu dis, gamin, la nuit dernière, un terrible incendie s'est déclaré dans la forêt. Tout de suite, nous avons réagi et le conseil des chamans a envoyé de l'aide pour secourir les animaux en danger. Mais c'était un piège. Comment ça? Les renards de glace. Ils ont volontairement brûlé le bois pour que nous ouvrions l'accès au village en haut de l'arbre éole. C'est pour ça que le câble était déployé. Mais les renards des glaces n'habitent pas dans la région. Pourquoi ils sont venus jusqu'ici? Quand ils sont arrivés, nous n'étions pas préparés. Ils ont filé jusqu'au temple des chamans et les ont emmenés. Quoi? Mais papa! Eh oui, ils ont kidnappé les quatre grands sages, dont ton père. Mais c'est quoi à la fin les chamages? Des félins qui font de la magie? Mais mon garçon, t'es tombé du premier chêne venu ou quoi? Maman, ils n'ont pas de chaman chez eux. Mais enfin, comment est-ce possible? Jim, chez nous, les chamans sont très importants. Ce sont des sages qui sont en communion avec la nature. Ils l'écoutent, ils lui parlent. En échange, la nature leur accorde des pouvoirs dont tu ne soupçonnes même pas l'existence. Toute notre société repose sur cette union, à l'image de notre pierre-soleil qui nous éclaire en échange de l'énergie spirituelle de nos sages. Hein? Mais scientifiquement, ça fonctionne comment? Tout n'est pas scientifique, Jim. Si. Mon garçon, il va falloir élargir ta vision des choses pour comprendre ce que je vais raconter maintenant. Si les renards des glaces ont kidnappé nos chamans, c'est pour invoquer Kimo durant la prochaine grande lune. La déesse du froid éternel. Mais pourquoi faire? Et pourquoi ils ont capturé nos anciens? Nous sommes convaincus que leur chef, le général Cachou, veut invoquer Kimo pour geler la terre et faire prospérer sa meute. Le clan des renards des glaces compte de moins en moins de membres. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont besoin de nos chamans, pour utiliser leur énergie spirituelle. Sauf que convoquer une divinité comme Kimo est un pari insensé qui risque de causer notre perte à tous. Il s'appelle vraiment général Cachou? Et toi, c'est tout ce que tu retiens? Mais Zeph, l'énergie spirituelle, ça n'existe pas vraiment, c'est juste une croyance. Mon garçon, n'insulte pas la puissance de nos ancêtres et la force de la nature. Seuls les ignares et les imprudents le font, et nous ne tolérons ni l'un ni l'autre. C'est compris? Oui, madame. On doit les arrêter. On doit sauver les chamans et empêcher les renards d'invoquer Kimo. Vous savez où ils se cachent? Enfin, une remarque pertinente. C'est bien ça le problème. Les renards sont futés et ont toujours gardé l'emplacement de leur repère secret. Mais maintenant que vous êtes là, j'ai peut-être une idée. La mère de Zeph se retourne et les conduit jusqu'à une porte métallique surveillée par deux écureuils en armure. L'un des gardes ouvre et Zora entre, en faisant signe à Zeph et Jim de la suivre. Lorsque Zora allume une torche, Jim est horrifié. Sur le sol, une petite boule de poils blanches est retenue captive par des chaînes. Mais voyons, on ne traite pas les animaux comme ça! Jim, c'est une renarde blanche, une prisonnière de guerre. Elle est notre seule chance de sauver nos anciens et d'éviter que la terre ne soit gelée à tout jamais! La renarde lève la tête et les regarde d'un air navré. Je m'appelle Lakita. Je suis désolée que les événements aient pris une telle tournure. Eh bien, si tu es désolée, tu vas nous dire où se cachent les tiens. Non, je ne peux pas trahir ma meute. Je suis en désaccord avec les méthodes de mon général, mais je sais qu'il œuvre pour la bonne cause. Mais comment tu peux dire ça? Il va geler la terre entière. Depuis des décennies, nous tirons la sonnette d'alarme pour vous prévenir que la terre se réchauffe. Mais tout le monde s'en fiche. Nous n'avions plus le choix. Foutaise, vous espérez seulement régner sur une terre de glace. Pensez ce que vous voulez, cela m'importe peu.